fin de notre histoire encore plus, elle se termine pas bien. Je vois ça comme ça, nous dehors, on est poussés à l'erreur. Pour éviter le chômage, alors juge procureur. Malheur à ces gens qui se permettent de condamner autrui selon leur humeur. Ta face, ta race, juge sur ta peine. Mentalité de spot, art de peine. Jugement de physionomiste nous détruit. Pour pallier à ça, la rue a dynamique la justice. Et nos parents, sans avoir donné leur parole, en pâtissent. C'est pas un rêve ni un cauchemar. Ici, les spots, c'est des gyrophares, pompiers ou de keufs. La réalité est intense du côté de chez moi, mais je te dirai toujours, y'a le même. Je t'avoue, je m'appuie plus sur le sort de nos frères qui meurent chaque jour. Inch'Allah, on se reverra, mais je sais que ce sera pas en bas de nos tours surveillés. Réalité, vérité, crime, mais dans la vie, la dernière est morte. D'un crime, l'auteur de l'assassinat, c'est le pognon. 2002, hors je monte, je rappe d'un cimetière, en donnant juste mon opinion. En tentant de faire ressusciter la vérité, je connais pas tout et même rien. Mais je veux faire ressusciter la vérité à Kiss. S2L, c'est le calme avant la tempête. Avant la tempête. Dans mon c'est déjà clou que des exclus. Dans mon c'est déjà clou que des exclus. S2L, c'est le calme avant la tempête. Je reste très fier comme un homme qui travaille pour se nourrir. Sachant qu'on apprécie mieux les choses quand pour les obtenir on transpire. Je viens de là où on a plus de devoirs que de désirs. De corvées que de plaisirs. De fin de mois à amortir. Rares sont les faux, je pleure de joie. Demande à ce tour en faisant le monde dans le porche. D'un immeuble froid après une soirée bercée par l'alcool. Où les ouvriers subissent une castration mentale devant les chaînes hertziennes. Sur ma vie, je tomberai jamais dans leur pic. Où l'élection des Miss France concurrence le téléthon. Où l'on entend plus belles promesses durant leur sélection. Je rappe le peu d'humanité qui me reste. Avec passion, mettant des mots sur le silence des miens. Je veux pas finir au poste, encore moins en tant que flic. Je ne suis pas un traître, tu connais la réplique. Utopique, je le suis, même si ça paraît ridicule. Les gens nobles chez moi, même si à leur nom n'y a pas de particules. C'est pour les quatre chez moi, c'est pour les quatre chez toi. Entre rêve et cauchemar, la liberté, le placard. Toujours fier de dire nique les flics. Même si ça me rapporte rien, retiens bien frangin. C'est pour les parents qui ont mal pour leur fils. Qui par manque d'euros, n'aura qu'un avocat commis d'office. Et une balance pour complice.